foule, je marchais. À chaque instant j'étais heureux, je regardais de tous mes yeux. Mais quand je t'ai vu, toi l'inconnu, j'étais perdu. Chaque jour maintenant, lorsque je sors, j'y pense encore. Je ne vois personne, non je ne vois personne, mes yeux ne regardent que toi, toi. Je ne pensais à rien, sinon marcher, sinon rêver. J'allais de loin en loin. Comment t'expliquer cette